Section 33 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 33. L'adoré par René Mézeroy, septembre 1885. Quelquefois, maintenant que les soirées sont plus fraîches et que nous bavardons très tard dans le salon en buvant du thé, Marthe fait de beaux projets pour le temps où nous serons vus, où nous ne vivrons plus que par le souvenir. Elle sera une petite vieille très coquette, très propre, très gourmande, qui, avec un peu de malice, racontera des anecdotes sur Annie et gardera les mêmes amis, les mêmes fidèles. Nous nous aimerons encore bien tendrement, le cœur calmé, et n'ayant plus d'autres rêves, d'autres désirs que de fermer les yeux, d'appareiller pour l'éternel et dernier voyage, côte à côte, de disparaître ensemble, sans effroi, sans souffrance. Et elle songe, au fond de son fauteuil, la joue appuyée sur sa main gauche, et fumant par lente bouffée, une mince cigarette russe dont l'arôme subtil monte vers les poutrelles du plafond. Elle fronce les sourcils à la pensée qu'elle se courbera, qu'elle aura des rides, que se flétriront ses lèvres, puis éclate de rire, d'un rire heureux et triomphant de femme qui se sait adorer, s'exclame « Oh, je suis bien sûre que tu m'aimeras et que tu me trouveras belle ». Malgré mes cheveux blancs. Fin de la section 33, enregistrée par Margot.